plus des souvenirs. On fouille, on découvre, on partage. On pop, pop, pop, le grenier pop. Un rendez-vous curieux pour les rêveurs et les amoureux. On pop, pop, pop. Allô, allô, bienvenue dans cet épisode du Grenier Pop spécial Halloween. Je m'appelle Frédéric Lavoie et cette semaine, on ne monte pas dans le grenier à la recherche de souvenirs comme d'habitude. Non, non. Aujourd'hui, on sort dehors dans la nuit froide d'octobre, sous une lune quasiment pleine. On marche entre les feuilles mortes, les lampadaires qui clignotent, et si vous entendez un bruit derrière vous, attention, ce n'est peut-être pas juste le vent. Vous avez reconnu ce rire? Vincent Price, une légende du cinéma d'horreur des années 50 et 60, qui a fait le monologue et le rire dans la chanson d'Halloween la plus célèbre. Pour ceux qui ont reconnu dans quelle chanson on entend ce rire, eh bien, on l'écoute dans quelques minutes. Donc, c'est un premier grenier pop ayant pour thème l'Halloween. Si je remonte dans mes premiers souvenirs d'Halloween, j'ai un mauvais souvenir de film d'horreur. Moi, je n'écoute jamais de film d'horreur, je suis pas capable, ça me stresse et ça me donne mal au cœur. Donc pour moi, c'est impossible d'en écouter, je n'ai pas de plaisir. Mais plus jeune, je ne sais pas trop comment, j'ai déjà vu Halloween 3. Et de tout ce film-là, je me souviens que d'une chose. Un enfant assis devant la télé qui porte un masque de citrouille. Il regarde une publicité maléfique d'Halloween et là, le masque commence à se coller à sa peau, à fondre et des insectes et des serpents sortent de sa tête. Cette scène, elle est devenue culte. Parce qu'Halloween 3, bon, c'est un film un peu à part, c'est la seule de la série sans Mike Myers. À la place, c'est une histoire de masque maléfique et d'une compagnie louche, Silver Shamrock, qui veut littéralement tuer les enfants à travers une publicité télé. Donc, on écoute un extrait de ce film de 1982 qui ne m'a laissé qu'un mauvais souvenir en tête. Vous ne savez pas grand-chose sur la fête d'Halloween. Oh mon Dieu! Halloween. Les barrières sont baissées pour séparer le réel de l'irréel. Mais la mort peut entrer. La dernière a eu lieu il y a plus de 3000 ans et les collines rougeoyaient. La fête d'Halloween. Est-ce que vous savez quelque chose sur Cochrane? Ce que je peux vous dire, c'est de faire attention. Cette mort. Vous épie, mon ami, ça je vous le garantis. Sorcière. Hé, hey, monsieur Cochrane, qu'est-ce que c'est l'opération finale? J'ai rien fait. Mais c'est de la sorcellerie. Pour nous, c'était un moyen de contrôler notre environnement. Où l'emmène-t-il? Il l'emmène dans mon usine. Un masque, je peux avoir un masque? Devine ce que j'ai prévu pour toi, petit petit. Pourquoi, Cochrane? Pourquoi? J'ai besoin d'une raison. Le monde va changer cette nuit, docteur. Joyeuse fête d'Halloween. Donc ce soir, ceux qui ont des costumes avec des têtes de citrouille, attention de ne pas regarder de pub d'Halloween de cette compagnie louche si vous ne voulez pas perdre la tête. Sinon, l'Halloween, ce n'est pas que des films d'horreur. Non, c'est aussi les bonbons, ceux qu'on ramène à la maison et qu'on trie avec soin, les petites barres de chocolat qui sont toujours le wow de la soirée. Mais il n'y a pas que des bons bonbons le soir d'Halloween. Non, il y a parfois des bonbons qui font peur. Donc voici mon top 3 des bonbons les plus effrayants de l'Halloween. En troisième place, j'ai mis les réglisses noires. Pour moi, elles ont le goût d'une mauvaise punition et d'un vieux tiroir. Mais au moins, elles ont quand même un côté amusant. Elles te colorent la langue noire. Ce qui donne l'air d'un démon sorti tout droit d'un dessin animé, mais avec la laine de Tati Daniel. En deuxième position, les boîtes de mini-raisins Sunmade, gonflées et secs comme du sable. Oui, souvent, ces boîtes de raisins étaient ridées, dures et souvent, trop souvent expirées. Même moi, qui adore ces petites boîtes collations de raisins, j'essayais. On pouvait les sucer un moment pour les ramollir, mais bon, les bonbons d'Halloween périmés, c'est non. Et finalement, l'ultime déception, moi j'habitais en campagne au Saguenay à l'époque où je passais l'Halloween et on en recevait toujours au moins une. L'ultime bonbon d'Halloween, c'est la pomme au sucre ou au caramel emballée dans du papier saran wrap qui était impossible de retirer de la pomme sans retirer la moitié du sucre collé. Quelle déception! Bon, elle partait souvent directement à la poubelle après seulement une bouchée. Déjà qu'en campagne, les maisons n'étaient pas proches les unes des autres et qu'on devait marcher pas mal entre chaque maison, souvent sous la première neige d'automne. Donc si en plus, toute gelée et mouillée, on recevait la pomme caramel, c'était la déception. Bon. Je dis ça, mais vous savez que j'exagère aussi un peu. L'Halloween, c'est toujours le fun, peu importe ce qui arrive. Et le meilleur, c'est que le lendemain à l'école, on apportait souvent une boîte à lunch remplie de nos trouvailles de la veille. Et quels étaient les meilleurs bonbons à mettre dans notre boîte à lunch? Pour moi, à mon goût personnel, c'était les barres de chocolat ou petite boîte de Smarties, les Skittles ou M&M en mini sachet ou encore le Saint Graal de l'Halloween. Les Nerds en bois, des petits grains sucrés de différentes saveurs que tu secouais comme un instrument de musique avant de t'en verser un peu trop dans la bouche. Ce qui faisait le succès des Nerds, à mon avis, c'est qu'on n'en voyait pas souvent au cours de l'année. C'est souvent juste à l'Halloween que j'en recevais. Donc ce soir, pour tous les enfants qui vont marcher dans les rues, je vous souhaite plein de bonnes trouvailles, plein de nouveaux bonbons que vous n'avez jamais essayés. Et oui, c'est maintenant, on l'écoute. Aucune liste de lecture de musique d'Halloween n'est complète sans cette chanson, sortie en 1982, avec un clip de zombies et de loups-garous inoubliables, la chanson Thriller de Michael Jackson. We'll be right back. creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Un vrai classique, cette chanson. Avant la pause musicale, on a fait notre top 3 des bonbons les plus effrayants à recevoir le soir de l'Halloween. Maintenant, place au top 3 des costumes qui font dur, mais qu'on a tous porté ou vu dans les rues au moins une fois. En troisième position, le masque en plastique rigide. Le fameux masque qui colle au visage. Impossible de parler, impossible de sourire, et en plus, il sent le plastique brûlé à plein nez. Et bien sûr, après 10 minutes, l'élastique te faisait mal aux oreilles. Du pur plaisir. Moi, je l'ai mis en troisième position, juste devant le sac d'épicerie en papier brun décoré. Ça, c'était simple. Un gros sac brun avec nos plus beaux dessins d'Halloween faits au crayon feutre noir. Avec nos dessins qu'on avait en tête, on se promettait d'avoir le costume le plus original. Mais au final, on portait quand même juste un sac de commission sur la tête. Et quand la pluie commençait à tomber, disons que le sac avait tendance à se ramollir et à se trouer aussi vite que notre dignité. Mais bon, jamais au grand jamais, le sac brun ne pouvait battre le costume que j'ai mis en première place, le Saint Graal du costume improvisé, le costume bricolé avec du papier de toilette, la fameuse momie motonnelle. L'idée de la momie en soi n'était pas mauvaise, mais comme il mouille ou neige un Halloween sur deux, ce costume était une catastrophe annoncée. Il se mouillait, tombait et déchirait dès qu'on sortait de la maison. Mais avantageusement, plus ça allait, plus tu avais l'air d'une momie en décomposition accélérée. Et le bon côté de ce costume, tes parents n'avaient jamais de misère à savoir où t'étais rendu, ils n'avaient qu'à suivre les morceaux de costume qui menaient à toi. Un autre grand classique d'Halloween de mon adolescence, un vrai souvenir grenier pop, jouer le soir de l'Halloween au jeu Atmosphere. Pour avoir la référence, vous devez avoir connu l'époque des cassettes VHS. Moi, c'est mon ami Martin qui possédait ce jeu, une longue boîte bleue, mystérieuse, un peu usée par le temps. À l'intérieur, il y avait ce fameux Seigneur des Clés, un personnage terrifiant qui apparaissait sur la cassette vidéo pour nous donner des ordres. On éteignait toutes les lumières, on fermait les rideaux, et dès que la vidéo commençait, plus personne ne parlait. Chaque fois qu'il criait « Silence, ver de terre !», on gelait sur place. C'était à la fois ridicule et terrifiant, mais c'est ce qui faisait tout le charme du jeu. Rien de tel pour passer une bonne soirée d'Halloween. Alors, on a envie de jouer à mon jeu, selon mes règles. Je suis le seigneur des clés. C'est moi le maître de ce jeu. Et vous allez obéir à mes règles. Quand je parlerai, vous arrêterez de jouer et vous m'écouterez. Je vois qu'on a bien attribué à chacun d'entre vous une couleur et un numéro. Si j'appelle votre couleur ou votre numéro, vous devrez répondre « Oui, Seigneur des clés !» Si vous ne répondez pas « Oui, Seigneur des clés !» quand j'appellerai votre couleur ou votre numéro, vous serez puni. J'ai bien envie de punir l'un d'entre vous dès maintenant. Toi, celui qui a le plus petit numéro. Oui, toi. Réponds-moi, vermine! Oui, Seigneur des clés. Terminé! Si tu n'as pas répondu à temps, oui, Seigneur des clés, tu es banni. Pose ton pion sur la plus proche fosse commune. Tu ne joueras pas jusqu'à ce que je décide de te relâcher. Mais si tu m'as répondu immédiatement, tu as appris ma première leçon. N'oubliez pas, car vous serez tous appelés et tous mis à l'épreuve. Commençons la partie avec toi. Toi, qui as le plus grand numéro, réponds-moi! Tu seras le premier à jeter le dé et à pénétrer dans mon jeu et dans ton cauchemar. Et voilà. C'était parti pour une heure complète de tension, de cris et de fou rire. Une heure où chaque minute semblait durer une éternité, surtout quand le Seigneur des clés réapparaissait à l'écran avec son regard démoniaque. On sursautait à chaque stop qu'il lançait. On essayait de jouer le plus vite possible pour réussir le jeu avant la fin pendant qu'il ne regardait pas. Et on essayait désespérément d'obtenir toutes les clés avant la fin du temps. Franchement, Atmosphere, c'était plus qu'un jeu, c'était une expérience paranormale de salon. Stop! À qui de jouer? Réponds! Oui, maître des clés. Donne-moi ton véritable prénom. Frédéric. Hein? C'est Frédéric. C'est vraiment ça ton prénom? Oui, maître des clés. Grotesque! C'est à la limite du ridicule, hein, pauvre larve? Réponds! Oui, maître des clés. Allez, prends le dé et jette-le. Combien as-tu fait? 3, maître des clés. Il y a 26 lettres dans l'alphabet, et tu as fait l'une des 6 premières. Quelle lettre est-ce donc? La lettre C, maître des clés. Si cette lettre se trouve dans ton prénom, tu passeras autant de tours que le chiffre que tu as fait. Sinon, prends une carte destin. Voilà, ça vous donne une bonne idée des souffrances qu'on subissait en jouant à Atmosphere. Moi, je ne garde que des bons souvenirs, surtout que vers la fin du jeu, alors qu'on était proche d'avoir toutes les clés et que le décompte à l'écran approchait de 0, le maître des clés n'arrêtait pas de venir nous interrompre et nous empêchait de jouer. C'était vraiment bien fait comme jeu. J'ai été lire aussi un petit peu plus sur le jeu et j'ai appris que c'était en fait un jeu américain qui se nommait Nightmare. Nous, évidemment, on jouait à la version doublée en français qui se nommait Atmosphere. Et il y a eu plein de suites avec différents personnages comme le Baron Samedi ou la Momie Khufu. Donc, c'est un jeu qui a rencontré un tel succès dans les années 90 qu'il a été sérieusement envisagé de l'adapter sur Super Nintendo. Si vous regardez sur YouTube, vous allez même pouvoir voir des extraits du jeu qui étaient quand même assez avancés, mais bon, il est resté sous forme de maquette car finalement, il n'a pas été porté sur cette plateforme. Donc voilà, maintenant, vous savez tout sur ce vieux jeu d'Halloween des années 90. Et maintenant, on va remonter le temps avec un classique des années 80, un hymne à tous les chasseurs de fantômes. Vous vous souvenez du film culte avec Bill Murray et Dan Aykroyd et Harold Ramis? Oui, Ghostbusters. C'est pas un film d'Halloween à proprement parler, mais entre fantômes, gizmos et autres situations complètement incroyables, sa chanson thème a tout pour nous accompagner en cette belle journée d'Halloween. Spécial Halloween du Grenier Pop qui touche déjà à sa fin. On a voyagé dans le temps avec Thriller, on a chassé les fantômes avec Ghostbusters et on a replongé dans nos souvenirs d'adolescence. Parce que l'Halloween, c'est avant tout ça. Des souvenirs qui marquent, des rires partagés et des petits frissons qui me font dresser ce qu'il me reste de cheveux sur la tête. Donc, pour tous les jeunes Halloweeneux, je vous souhaite plein de maisons avec une grosse citrouille au pas de la porte. N'oubliez pas de bien vous éclairer pour être bien visible ce soir. Et à la fin de la soirée, n'oubliez pas de manger vos bonbons avec gourmandise et n'oubliez pas de rigoler avec votre ami qui avait un sac brun sur la tête et l'autre qui a testé le costume de la momie en papier de toilette. C'est la soirée idéale pour laisser place à un peu de magie et à vous ouvrir au monde imaginaire. Donc merci d'avoir été là avec nous pour cette émission sur l'Halloween et n'oubliez pas notre bingo radio au profit de la station qui a lieu tous les dimanches de 13h à 15h. Pensez à acheter votre carte à l'avance pour jouer avec nous. Les différents points de vente sont indiqués sur la page de l'émission Bingo Radio sur CIBL1015.ca. Et pour toute suggestion ou commentaire sur l'émission Le Grenier Pop, je vous attends bien sûr sur la page Facebook de l'émission. Donc, bon vendredi et bonne soirée d'Halloween. Le grenier pop, trésor vintage et culture pop, c'est votre marché aux puces des souvenirs. On fouille, on découvre, on partage, on pop pop pop. Le grenier pop, un rendez-vous curieux pour Le grenier pop, un rendez-vous curieux pour les rêveurs et les amoureux. On pop.